Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Et ben ça y est, soyez les bienvenus en ce samedi après-midi 5 décembre, dernière ligne droite avant Noël. Et oui, déjà les préparatifs, je suis allé dans les grandes surfaces là juste avant de venir. C'est le bordel un petit peu partout. En tout cas, on vous souhaite une excellente après-midi. Profitez bien pour évidemment achalander le sapin, garnir le sapin, etc., etc. C'est le week-end, dernière ligne droite, on vous l'a dit. Et puis le Flycase, pas mal de changements également cette semaine avec un total de 3 entrées, 3 sorties. Et puis un nouveau numéro 1, on vous dira tout à l'heure aux alentours des 18h. La sortie de Backer Matt avec One Day Vandar, c'est le remix de Oliver Delarry et Matiuka. La sortie également de Pop-Off Animal Enemy avec Going Back, le remix de Oxia et Miss Keating. Et enfin, troisième et dernière sortie, il aurait été numéro 1, tiens, pendant quelques semaines. Suga, c'était Green Velvet et Technasia. Allez, on est parti tout de suite. Numéro 20. Numéro 20, Lanterne Rouge. Cette semaine, on vous ramène le soleil artificiel dans la radio. Ça fait du bien par contre, hein. Crainer avec Tom Snar. Ça s'appelle Diputa Madre, numéro 20. Ça perd cette place. À mon avis, ça sent le sapin également. Donc c'est à vous de voter Facebook, Flycase, bien évidemment. On attend vos votes avec impatience. On écoute tout, on sélectionne tout et on vous fait un petit récapitulatif comme ça durant 2 heures tous les samedis entre 16h et 18h. I don't know. Yeah, yeah. Numéro 19. Thank you. 17. Come with it, my man. I'ma still jumping and pumping. 6 o'clock in the morning, I'ma still jumping. 6 o'clock in the morning, I'ma still jumping and pumping. 6 o'clock in the morning, I'ma still jumping. 6 o'clock in the morning, I'ma still jumping and popping. 6 o'clock in the morning, I'ma still jumping and popping. 6 o'clock in the morning, I'ma still jumping and popping. Open it, my man. Un titre incontournable, c'est tout le samedi entre 16h et 18h. C'est le Flocaise avec à l'instant la 16e position. Ça perd 7 places cette semaine avec cette reprise bien sympathique du début des années 90. Alexis Raphaël avec The Elder Skelter. Numéro 17, une place de mieux pour Tiga et Ron Costa avec Dancing Again. Et numéro 18, c'était la première entrée. Il y en a 3 au total cette semaine, je vous rappelle. C'était Cut Snake. On adore ce titre. Ça s'appelle Echo et c'est le remix de Snow Mass, une version remixée exclusivement sur Galaxy. Tiens, on va vous parler des soirées ce soir sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy à partir de 20h c'est Jérôme B que vous allez retrouver à 21h Franck Lido, 22h DJ Tom, à partir de 23h Marty, à partir de minuit Storm, 1h du mat DJ Gus, 2h Mark Lower, 3h Seth Santos, et pour clôturer le bal à 4h jusqu'à 5h du mat vous allez retrouver Pierre Thierry. Tiens, on va faire une petite proposition d'entrée tout de suite, c'est quelque chose que l'on adore également, vous êtes les premiers à l'entendre depuis quelques jours. Le groupe s'appelle Atlas Genius, ça c'est absolument génial. Ça s'appelle Molécule et c'est le remix The Penguin Prison Remix. C'est un titre que l'on vous recommande. À vous de voter Facebook Flakies. Oh, 15. Fly Case, nouveauté, nouveauté. We'll be right back. retour de Timothy Milton dans ce classement du Flycase avec un nouveau titre qui s'appelle Music in Me. Il est accompagné de Tanya Michel. C'est la position de numéro 14, ça gagne une place. Et juste auparavant, c'était la seconde entrée pour cette semaine. Il y en a trois, je vous rappelle, encore une qui se dissimule quelque part dans les prochaines positions. C'était la numéro 15 avec Matt Joe et Making Living. Et puis on allait vous parler d'un grand rendez-vous également qui se déroule une fois par an à Moucron. Ça se déroule au Centre Expo, rue de Menin à Moucron. C'est la 20e foire aux disques CD et DVD. Si vous cherchez des petites perles rares, eh bien, c'est là-bas qu'il faut absolument y aller. Ce sera dimanche prochain, ce sera le 13 décembre de 10h à 18h en non-stop. Et là, vous trouverez des centaines d'exposants qui vous proposeront tant des vinyles recherchés que des CD, plein de petits articles concernant les artistes divers. Et bien, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, je vous rappelle, 20e édition au chiffre rond. Il y aura plein de petites surprises également. C'est ce qu'on nous a dit. Dans un instant, la suite du classement avec la 13e, 12e et 11e position, à savoir dans quelques instants, Philippe Georges avec Alone No More. Si vous pointez le numéro 13, et ça gagne deux places cette semaine. Flycase, les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 13. We'll be right back. Si, on ne vous dira pas qu'on est mieux que les autres. On ne les écoute pas. Que vous n'entendez que sur Galaxy, Sparks and Smoke, des étoiles et de la fumée, tout un programme. Petite anecdote, restez avec nous, vous êtes sur Galaxy, il est 17h. Numéro 20. Allez, on y va, récapitulatif de la position numéro 20 à la position numéro 11. Si vous avez manqué cette première heure, déjà c'est pas bien. Eh bien voici ce que vous avez manqué. Numéro 20, 7 places de moins pour Crader avec Di Puta Madre. Numéro 19. 19e, ça perd 5 places cette semaine. Elle s'appelle Jen Schrae et le titre Carry On, le remix de Chopstick et John John. Numéro 18. 3 entrées cette semaine dans le classement. Numéro 18, c'est excellent. Ça s'appelle Cut Snake Echo. Petite place au moins pour la position numéro 17, c'est le retour de Tiga et Ron Costa ainsi que Odion, Dancing Again, numéro 17. Let's go dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing. Numéro 16. Un son qui vous rappelle forcément quelque chose, Alexis Raphaël, ça vient d'être remixé. The Helter Skelter, pointé numéro 16, ça perd 7 places. Numéro 14. Ah oui, bah le numéro 15 c'était Matt Joe avec Make Living. Petite erreur dans le montage, c'est pas grave. Numéro 14, une place de mieux pour Timothy Milton et Tania Michel avec Music and Me. Numéro 13. Numéro 13, ça perd deux places, Philippe George et Anton Powers avec Alone No More. Numéro 12. 5 places de moins cette semaine pour la position numéro 12, Butch, Praise the Lord. Numéro 11. Et enfin, numéro 11, on s'est écouté il y a quelques secondes à peine. J'adore ce titre. Boris Le Gauche et Purple Disco Machine. Ça s'appelle Love, numéro 11. Ça gagne 5 places. Numéro 10. C'est vrai qu'il y a pas mal de bons titres actuellement. On a de la chance. Numéro 10, en voici un, par exemple, Broken Fitch. Ça gagne 7 places cette semaine. Numéro 10, Tears. Like it. Numéro 9. et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la reprise Lorna Papi Chulo. Rappelez-vous un titre qui avait cartonné il y a quelques étés de cela. On avait tous dansé là-dessus, hein. Le titre de Lorna, ça s'appelle Pelé et Shaughnessy avec Better for Brain numéro 9. Ça perd une place et juste auparavant, 7 places de mieux. C'est peut-être bien parti pour être un numéro 1. En tous les cas, c'est la WT, un Facebook Flakez. Plug and Fitch avec Tears, numéro 10. Les 20 titres qui te font bouger. Numéro 8.

faire un cake. On va appeler Mercotte. Make a cake. C'était la position numéro 6. Ça perd deux places cette semaine avec Clone Von Strock. Pointé numéro 7. C'était la meilleure entrée pour Alex Goffer et Étienne de Crécy. C'est bien parti pour être un futur numéro 1 également. Ça s'appelle Smile, Petite Découverte aux Galaxies. Paul Cole Brenner, juste auparavant. Avec Feed Your Head. Pointé numéro 8. Extrait du dernier album. Ça perd deux places cette semaine. Restez avec nous. On va vous parler des soirées, tiens, sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et nous sommes samedi, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Bah oui, en Belgique, on salue nos amis belges d'ailleurs. Ce soir sur Galaxy, rendez-vous festif avec à partir de 20h Jérôme B. À partir de 21h Franck Lido, 22h Digitom, à 23h Marty, à minuit Storm, 1h Digigus, 2h Mark Lower, 3h Seth Santos. Et à 4h, vous retrouverez Pierre Thierry. Tout de suite, on fait une petite proposition d'entrée dans ce classement du Flycase. C'est le grand retour également de Fatboy Slim. Song for a Shelter, c'est maintenant. C'est le remix de August 5. C'est ce que l'on vous propose. Facebook Flycase, donc je vous rappelle, le site à posséder absolument. Vous connectez, vous nous faites toutes vos petites propositions. On écoute tout et c'est le cas notamment avec ce titre Fatboy Slim. Le voici, le voilà. I get deeper, sur Galaxy. Numéro 5. You thought you back on the top before blood on the sky. So sick of moving your body to a well-polished lie. Well, I got something to move ya, move ya. Rien ne va plus pour Damien Lazarus. C'était le numéro 1 la semaine dernière de ce classement du Flaqué. Ça perd en 3 places avec le titre Vermilion. C'est un remix de Mi et Masséoplex juste auparavant. Ça perd 2 places avec Wash My Tears. On allait vous parler d'une bourse au disque qui se déroule la semaine prochaine. C'est à Moucron le dimanche 13 décembre. Si vous êtes à la recherche de petites perles rares, eh bien c'est là qu'il faut y aller. C'est la 20e édition. Ça se déroule le 13 décembre, donc de 10h à 18h en non-stop. C'est au centre expo rue de Menin à Moucron. Si vous voulez plus d'infos, foiremoucron.voila.net. Vous aurez toutes les infos, l'entrée est fixée à 2 euros et vous ferez une bonne action également puisque tous les bénéfices seront reversés aux associations de la région. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. 20e foire au disque et CD et peut-être l'occasion de rencontrer DJHS ou Manu comme l'année dernière qui vendait les disques de la Goa par exemple. L'occasion de retrouver les petites perles en tous les cas. Restez avec nous, très très bon après-midi. Les 3 premiers, c'est dans un instant. Les 20 indispensables, c'est Flycase numéro 3. When I do the cat. Now, whether I grow or let go, this is my business.

15 et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. C'était Juju Tube and Burger avec Dizzery, c'est pointé numéro 2. Flygaze, yeah, y'a le Flygaze numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 premiers pour cette semaine. Pointé numéro 10, ça gagne 7 places. Broken Fitch avec Tears. Numéro 9. Une place de moins pour Pili et Sean Messi avec Better for My Brain, c'est pointé numéro 9. Numéro 8, deux places de mieux cette semaine pour Paul Kalkbrenner avec Feed Your Head. Numéro 7. Trois entrées cette semaine, il y a eu Cut Snake numéro 18, 15e Maggio. Et puis numéro 7, Alex Goffer, on y croit très très fort avec Étienne de Crécy, Smile. Numéro 6. Clown Vance Rock, c'est pointé numéro 6, on l'adore toujours le clip autant, hein. Ça perd deux places, Make a Cake. Numéro 5. Numéro 5, deux places au moins également pour Massiplex avec Wash Away My Tears. On vous l'a dit, nouveau numéro 1 tout à l'heure, c'était le numéro 1 de la semaine dernière, ça perd 3 places par conséquent. Numéro 4, Damien Lazarus avec Vermilion. Numéro 3. Le podium, numéro 3 cette semaine, 3 places au mieux pour Koyou et Carrie Golden avec The Cat. On parle du chat, il sera là tout à l'heure, dans 5 minutes. Numéro 2. Et enfin numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes. On adore ce titre, Juju Tubenberger avec Dizzery. Galaxy Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Alors attention, nouveau numéro 1 cette semaine, on est littéralement tombé amoureux de ce titre. Ça s'appelle You Lotus, découverte Galaxy, accompagné de Anna Necklab. Ça s'appelle Hush, c'est un remix de Bebeta et ça gagne 4 places cette semaine. C'était entré il y a 3 semaines. présence au classement du Flakez. À l'instant, c'était Younotos et Anana Club avec Hush. Ça gagne 4 places. Voilà, Flakez, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h, évidemment. Dans un tout petit instant, c'est Matou Matou que vous allez retrouver logiquement. Je sais pas, il n'est pas encore arrivé. En tout cas, c'est lui que vous allez retrouver jusqu'à 20h. Et puis tous vos mix habituels, évidemment, à partir de 20h. Vous retrouverez Jérôme B à partir de 21h, Franck Lido, 22h, Digitom, 23h, Marty, à minuit, Storm, 1h, Digigus, 2h, Mark Lower, 3h, Setantos, et à 4h, vous retrouverez Pierre Théry. Voilà, vous souhaite de passer un excellent moment, restez avec nous. Vous écoutez Galaxy, il est 17h. Electronic. Just electronic music. Galaxy. Et même 18h. Eh oui. Allez, bonne soirée, ciao.